Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'abat, session estivale. Il est de retour parmi nous, revenu du pays où les couches sont sales et les nuits sont courtes, c'est Papa Grigoula. Papa Grigoula. David voilà. À la technique. Bonsoir. On attaque tout de suite avec plein de bons sons, des news, des choses chaleureuses, des choses tristes aussi. On aura le temps d'y revenir. On commence tout de suite avec ce qui est pour moi peut-être bien l'album hip-hop de l'été, voire un des meilleurs de l'année, bien qu'on ne sache pas encore ce que la seconde partie d'année nous réserve. C'est Action Bronson avec le morceau Triple Black Flip. On s'écoute ça et on en reparle juste après. La musique de Harry Fraud. Catch me out here. Be out here. Peel the top off the can of Pellegrino. Lost my money at the tables, but I got it back at CeeLo. I'm trying to have the bank account with all the zeros. Rolling Camaros. Jose Canseco was my hero. Swing the bat like I swing the lac. Snap my fingers and they bring the crab. Wave my hand and they bring the bag. For your body, motherfucker, cause you old news. And then you see me fucking skip away in both shoes. Rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip your dick off. Motherfucker, I'm a sicko. Fucko, amethyst on the knuckle. On the arm, something Spanish with a bubble. It's big trouble in Little China. All of the China hidden inside of a big vagina. I pile drive it through the bed, hit the strip, get my motherfucking bread. Don't say a word, bitch. I need the gators just to match the vest. Have my apprentice put the stainless to a bastard's chest. Come out the sweatsuit, do a triple backflip into the red coupe. Skirt, we out. Come. Hold my dick while I take a piss. Shake it off, put it back inside my boxer short. Right in the drop top, lobster Porsche. Inside the joint, I got some pasta sauce. Stalking the street, just to put the fork in the beef. Coffins are cheap, seats are very soft in the Jeep. The lights hit me at the club, my skin was like a chicken. And now my lever to the ankle by my Pippin. This feels crazy and I'm hoping I don't blow it. That goes to show I'm still a human under all this glow. Needless to say, I'm exceeding while you pussies bleeding. I guess your weight was not in season. Breezing. It's big trouble in Little China. All of the China hidden inside of a big vagina. I pile drive it through the bed, hit the strip, get my motherfucking bread. Don't say a word, bitch. I need the gators just to match the vest. Have my apprentice put the stainless to a bastard's chest. Come out the sweatsuit, do a triple backflip into the red coupe. Skirt, we out. C'est chaud, c'est bon, c'est ouais, Action énorme. Bronson dans le secret du son d'abat. Il vient d'où Action Bronson? Eh ben écoute, c'est un gars du Queens. Ça fait quelques temps qu'on pouvait croiser ses vidéos. C'est un fat guy, tu ouais, vois. Ouais, c'est ça, j'ai vu les photos, il est bien massif. Quoi. Une grosse barbe, là, ouais, un peu rookinou. Voilà, un peu rookinou avec son crew de barjo. Là, il y a notamment l'infâme Riff Raff qui traîne avec lui, là. Avec ses dents en or ou en argent machin et son pain parce qu'il arrête pas de se recoiffer, enfin, c'est un personnage assez hallucinant, le Riff Raff. Et donc Action Bronson, c'est des gars qui ont assez d'humour, qui ont pas mal d'humour, notamment sur le premier extrait là, de l'album Sahab Story qu'on vient de s'écouter, l'extrait qui s'appelle Strictly For My Jeep. Le clip est à mourir de rire, je sais pas si t'as eu l'occasion de le voir, il faut vraiment aller voir ça. En tout cas, on vient de s'écouter donc un extrait de cet album qui s'appelle Sahab Story, c'était là, le morceau Triple Black Flip. C'est publié par Atlantic Recording Corporation. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est seulement du CD. Du même port, ça doit être d'une sortie numérique. Chez Atlantic. Bah écoute, je sais pas. J'imagine. C'est les fonds de tiroir. J'imagine qu'il va y avoir une publication, j'espère, pourquoi pas, mais vinylique. En tout cas, là pour le moment. On se régale quand même. Ouais, on se régale d'ores et déjà. l'album est vraiment à la hauteur de ce morceau qu'on vient de s'écouter. Il y a même des morceaux qui sont encore meilleurs. Yes. Le tube, la Strictly for My Jeep, vraiment, c'est un gros canon. Voilà, c'est produit par un garçon qui s'appelle Harry Fraud. Apparemment, ils ont mis un bout de temps à sortir ce disque. Apparemment, c'était attendu par les blogueurs qui fouinent et qui sont à l'affût des nouveautés underground comme ça, même si ça commence à l'être de moins en moins, Action Bronson. Mais en tout cas, ouais, c'était une sortie attendue et pour cause, hein, c'est vraiment de la bombasse. Pas mal de featuring, Wiz Khalifa, Prodigy, Rekwone sont de la partie. Ça va. Riff Raff, comme on disait tout à l'heure. Donc voilà, bien entouré, l'Action Bronson, à suivre de près et à se régaler avec tout l'été. Des cocktails bien frais, en short et en tongs. C'est l'album qu'il nous faut cet été. Cet été. On poursuit avec toujours du hip-hop. Ouais, toujours du hip-hop, toujours on n'enlève pas les shorts, on se resserre un mojito. Un pour moi. Ouais. C'est Quell and Maker avec l'album Beautiful Row. Alors je sais pas si t'avais eu l'occasion de t'intéresser à ce duo. Non, pas du tout. Moi je les avais. J'étais dans les layettes là. je rappelle. Ouais, mais ça fait pas 3 ans que t'es dans les layettes. Je suis dans les layettes baggy, mais quand même dans les layettes. puisque en fait, moi j'avais eu l'occasion d'avoir mon attention retenue par une chronique signée Thierry Skids dans Noise il y a 3 ans à propos de leur album. Album Owl, qui était plutôt pas mal, qui était un ton en dessous de ce que fait un peu dans le même rayonnage Apollo Brown, tu vois. Donc c'est un peu le même esprit, un poil moins bien, mais ça tient bien la route et comme j'ai pu le lire ça et là, c'est vrai que l'album Beautiful Row, il n'y a pas vraiment de morceaux qui sortent du lot, mais il s'écoute vraiment de manière très agréable de bout en bout. Il y a vraiment ce savoir-faire au niveau des samples, c'est plus fondé sur des boucles de vocalistes féminines, etc. Peut-être moins cliché, moins travaillé sur la soul comme le peut faire Apollo Brown. Ouais, plus varié, voilà, okay. plus vocal aussi au niveau des samples. C'est très savoureux, très soulful quand même. On va s'écouter tout de suite un extrait. J'ai bouffé le nom, David, comment il s'appelle ce morceau? Alors, t'es sympa avec moi. Ça y est, là, tu réclames des mojitos. Des mojitos, il y a du bon là. Non, c'est Through the Sidewalk. Ouais. Voilà, avec West Restless en featuring. On s'écoute ça tout de suite, c'est Quell and Maker dans le secret du son là-bas. For the truth, I told him cool, I've been looking for it too. From the high highs to the low lows, and do the math, do the path, do the master, don't know. And lo behold, I find a teacher with the cheap talk. Tell me keep it quiet, cause people trying to sleepwalk, and people trying to swag too. And all them badass kids acting through the classes they done nap through. Expounding so profound, I found a sad truth. They stuck because he's sad, stuck up in a bad loop. The moon's zooming around the planet, it don't understand it. At least in front it running, or before the fun is vanished. Without the substance, but it lusts to the rusted root. Bananas with it, if the camera click, it must be true. But we proceed to eat the meat, spit the bones. Teach it if we speak, keep beat to each his own. They keep it photogenic, dripping grease to teach your own. My pieces seek the truth, while the beasts seek the throne. The fool will be the fool, while the students peep the zone. And the pupil teach and teacher, see the truth and keep it keeping on. See the truth, free your mind, reach a deeper root. Seek the truth, free your mind. Reach a deeper root, eat the fruit, eat the rind. Seek the truth, free your mind. Reach a deeper root, eat the fruit, eat the rind. Seek the truth, free your mind. Reach a deeper root, eat the fruit, eat the rind. While they was waiting on a 12th planet, we planted seeds in the granite. Said it would fight, fed it with light of understanding. Proceed to manage from how we perceive it. Though we know it ain't the perfect vantage. Had a little left to give, so we receive it. Funny how it works, we're mixing dirt and grime together. Spurred a perfect garden, couldn't fertilize it better. The light will jerk it up from under the depths. The weed will crumble, but feed the newness when they tumble to death. What's up? Sometimes I'm looking through this life and don't observe it. A sloping through the dirt and only focus on the burden. It's tough, I know, plus I know the rougher seas are certain. We flower in the now. Now we complete the purpose, perfect. We cross the broom to get the perfume. A fight to touch the sky, then return to Earth's womb. Yet we flourish through the suckers with their eyes foolish, wise talk. Working on the surface while it busting through the sidewalk. See the truth, free your mind. Reach a deeper root, eat the fruit, leave the rind. See the truth, free your mind. Reach a deeper root, eat the fruit, leave the rind. Seek the truth, free your mind. Reach a deeper root, eat the fruit, leave the rind. Seek the truth, free your mind. Reach a deeper root, eat the fruit, leave the rind behind. J'ignore à quel ça me vouait, comme dans un bordel hermaphrodite. Faut dire je suis une sorte d'ermite sur Afrobeat. Ma littérature s'inscrit entre fichas et femmes sauvages. Un jour j'ai voulu arrêter, j'ai foiré le sevrage. À mon âge, on ne refait pas ces petites manies. Te coller aux oreilles, une sorte de décalcomanie. J'aime la désuétude, perdue comme les graffitis aztèques. Et les jours gris, je tue les heures à la cinémathèque. Feinte la vie avec des ectoplasmes, la douleur est hale. Me fous du temps, je suis Bouddha dans une DeLorean. Chacun veut chaussures à son pied, mais marche sur ses lacets. Trop pessimiste pour parler d'espoir comme elle est laissée. Un conciliabule de plus pour réseau asocial. Noctambule, je gratte au vinyle et les rêves passent au sale. Brise mon image en iconoclaste et machinale. Au cœur d'un linguicide, la belle grammaire est toujours marginale. Résisteras-tu à la pression, un bon apnéiste et prosélyte du système? Pense nos racines passéistes. Ai-je un avis sur les sycophantes qui ne font crailler? Inutile comme une fille frigide et empaillée. Je ne suis qu'un homme sans but, à deux jette une fenêtre. Un marathonien cramant, une clope au 30e kilomètre. Je rêve métaphysique, éthéré, je m'y suis fracassé. Pour me donner du cash, j'écris sur des feuilles froissées. Le silence est d'or, disons que mon art est fiduciaire. Égaré comme un anthropophage face au système judiciaire. L'utopie, un cul de jatte au cœur d'un pugilat. Porté dans mes furies, mes vices, si tu démons mon zogma. Les paroles s'envolent depuis YouTube, même l'oral reste. J'arrive avec mes gros sabots, c'est mon côté chevaleresque. Le cul entre deux chaises, comme un kamikaze agoraphobe. Un peu ridicule, comme un bon rappeur hardcore à faune. Bipolaire, je m'oppose à mes propres soliloques. Je cause avec mes tripes, je dois être une sorte de ventriloque. L'époque est clitoridienne, les esprits sont étroits. Au royaume des crânes concaves, l'abruti moyen est roi. Les rues sont des coupes-gorges et les jeunes autant de guillotines. Chacun perd la tête, mais poursuit sa propre pantomime. Tout ça est triste comme une porno-star sans libido. T'as beau être coriace, mais les démons pratiquent le bushido. Hip-hop français dans le secret du son là-bas. Voilà, c'est la scène lyonnaise, Grégoula, avec... On était assez mayennais hein, dernièrement en hip-hop français, on mais ça y est. Sartois, surtout. Sartois, excusez-moi. Ah, non, le hip-hop mayennais n'est pas encore réveillé. Merde, ça va venir. Mais ça ne saurait tarder. Là, non, nous voilà à Lyon avec Lucio Bukowski et Nestor Key. Lucio Bukowski donc au rap et Nestor Key à la prod. Alors la petite histoire sur ce morceau Bushido qui est assez amusante, c'est que c'est construit sur la base d'une cinquantaine de mots, 50 mots très précisément, qui ont été imposés par les auditeurs, par ses suiveurs, par ceux qui suivent un peu son travail. Il travaillait juste avec ses voilà, mots. Voilà et il devait les placer dans son texte quoi. Donc pas mal, voilà, pas mal. Alors évidemment des mots qu'on aura qui du coup font un texte assez alambiqué, relativement poétique et à tiroir comme ça, voilà, hermaphrodite, ermite, littérature, décalcomanie, graffiti, cinémathèque, fallait qu'il place tout ça et ainsi de suite tout en gardant un thème et ça fonctionne bien. Carrément. La prod est un peu légère effectivement, on se faisait la réflexion mais ouais. Ça fonctionne. c'est assez sympa comme, ouais, ça fait comme univers. Penser, dans le flow à ce que je disais hors micro à Fab et voir au début de Rossé. Mm-hmm. Il y a un truc comme ça quoi. En tout cas, je vous encourage à découvrir le travail de Lucio Bukowski. L'album s'appelle Saleté Poétique. C'est donc un certain nombre de morceaux compilés sur la période 2007-2012. Récemment, là, il a pu produire d'autres albums ou d'autres travaux toujours disponibles sur son Bandcamp. Hein. Je crois pas qu'il ait de sortie physique. Il y avait l'album Sans Signature à l'automne qui avait été d'ailleurs repéré par les Inrecuptibles. Et puis tout récemment, la Noblesse de l'échec qu'il a publié. Je crois que c'était au printemps. J'ai vu des chroniques de ce truc-là. Voilà, avec un gars qui s'appelle Manny Days à la prod. Noblesse de l'échec, que moi j'ai moins aimé que Saleté Poétique. C'est vrai que Saleté Poétique, je trouve que c'est un chouette disque. Tu pensais à Fab ou Rossé. Moi, j'ai pensé aux premiers travaux d'MC Solar. Carrément, ouais. Ouais, ouais, ah les ouais, tout premiers. Il y a un peu ce même esprit avec d'ailleurs, un peu les mêmes écueils, notamment pas mal de name dropping. Tu vois, il cite pas mal son univers, quitte à ce que ce soit un petit peu parfois redondant, un peu appuyé, un peu maladroit, mais c'est super, super agréable malgré tout. On vous encourage en tout cas à écouter ce Lucio Bukowski. From Lyon. On continue, on quitte l'univers, ça y est, on finit le hip hop, ou presque, et on poursuit avec. Monsieur Melon. Eh ben c'est Jérusalem in My Heart, mon gars, et c'est toi qui vas nous le présenter. Bah oui, Jérusalem in My Heart, c'est un projet d'un Libanais qui vit à Montréal là depuis déjà quelques temps et qui a fait déjà beaucoup de concerts en fait. Et ça, c'est le premier album qui vient de sortir sur Constellation. À ce printemps 2013, Jérusalem My Heart, c'est trois personnes, trois membres principaux. Donc il y a Radouane Razi Moumnen. J'aurais dû vraiment réviser mon arabe parce que ça va être galère ce soir, je crois. Et qui est accompagné d'une chilienne et vidéaste qui s'appelle Malena Aslam Zalazar, ainsi qu'un français qui s'appelle Jérémy Régnier, qui collabore, on sait, hein, depuis longtemps avec Ephraim de Godspeed You Black Emperor, qui tient aussi le studio de Constellation. Et donc ils ont fait déjà plusieurs concerts dans les années 2000 et là c'est le premier album qui sort et c'est vraiment des allers-retours entre le Liban, le Moyen-Orient et une fibre on va dire plus rock au sens très général du terme, post-rock pour ceux qui veulent, qui mélange vraiment deux univers, deux esthétiques et c'est vraiment très intéressant. Voilà, et on va écouter un premier morceau qui s'appelle morceau qui s'appelle pas qui s'appelle en arabe et je pour le plaisir juste non il y aura pas de plaisir. Yugdag Degel Razay Walla Gamnam, c'est pas mal d'accord. En tout cas, il y a des pistes chantées, il y a des pistes instrumentales sur l'album et vraiment on va écouter un premier extrait qui est plutôt chanté et qui est vraiment très très chouette. Je vous le recommande chaudement, Jérusalem in My Heart. You know, Oh, Chablis dans le secret du son là-bas. On n'avait pas encore passé le cap. Nous y voilà en cet début d'été 2013, alors que le Moyen-Orient est toujours extrêmement compliqué, où l'Égypte bascule, on ne sait pas où en fait, à l'heure où on parle. En ébullition. Voilà, en ébullition, et ben on reste en Égypte, on parle d'Electro Chablis. Alors qu'on, quelque Electro, chose soit clair, Chablis, d'accord. Quelque chose soit clair, c'est pas le nom du groupe, c'est le genre. C'est le genre. Alors, le nom du groupe, on n'est pas incapable. Foutu, on n'est pas foutu de le dire. Alors c'est pas possible, là, c'est là, autant tout à l'heure pas avec Jérusalem et Marheur. On a essayé, là, c'est juste impossible. Ouais, donc on vous passe le... On aime bien être ridicule, mais voilà, ça s'arrête là. Electro Chablis, voilà. Donc, en fait, j'avais vu un reportage dans l'émission Trax, que je regarde pas suffisamment assez souvent, et où ils avaient débarqué en 2011, en moment où le régime de Moubarak était en train de tomber, là. Ils avaient débarqué dans les quartiers populaires du Caire. Et ils avaient découvert ce mouvement assez phénoménal qui s'appelle Electro Chablis, en tout cas en Europe. Il s'appelle Mangra au Caire et qui en effet mélange, comme vous avez pu l'entendre, du Moyen-Orient. On peut voir des restes de rails, mais on pensera surtout à la scène de syrienne autour de Olar Suleiman. Tous ces sons là avec des vieux des sons ultra vintage, très kitsch, limite kitsch, enfin, c'est souvent le goût. Voilà, avec des vocodeurs fois, sur la voix, des aussi, vocodeurs, beaucoup, ouais. Des rythmes, beaucoup de ça scintille tellement c'est aigu. Enfin bref, c'est très particulier, mais pourtant voilà, c'est assez phénoménal quand on commence à s'y mettre. C'est vraiment, on rentre dans des formes de transe, etc. Le reportage le laissait bien entendre. On voyait tous ces jeunes qui, en plein milieu de quartier, posaient du son comme des sound systems jamaïcains, etc. En plein quartier, où lors de fêtes et surtout de mariages, c'était la fête du quartier autant que le mariage, et vraiment c'est le grand défouloir après autant d'années d'oppression. Et voilà, ça chante un peu le vécu de tout égyptien de ces années 2000 et de cette jeunesse en quête de repères. Vraiment, c'est une scène assez passionnante. Alors, toute la difficulté, c'était de trouver du son, de trouver les blogs. Ils sont globalement tous en arabe, donc c'est quasiment illisible de trouver des morceaux. Et il est apparu en début d'année 2013 deux Hollandais d'origine égyptienne qui ont monté ce qu'ils appellent The Cairo Liberation Front, et ils sont de Tilburg, les deux Hollandais là. Et ils ont monté, c'est les premiers DJ d'Electro Chablis en Europe, quoi, carrément. C'est en fait les premiers DJ en dehors d'Egypte qui mixent Electro Chablis. Et voilà, ils sont en train de. Ils ont déjà été bookés là dans un gros festival hollandais de World. Et voilà. Ils vont faire une concurrence sévère à Brian Schinkowitz de Awesome Tape of Africa. Ah bah, Africa, alors, c'est encore un autre genre, ouais. Mais en tout cas, il y a un esprit en tout cas de vouloir débusquer les nouveaux sons. Contemporain, on va dire, actuel, et pas rester forcément dans le vintage. On va en reparler du vintage. Et vraiment, c'est vraiment assez passionnant. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Ça va être du ultra kitsch ou à des trucs hyper limite un peu barré, un peu tellement sucré, tellement un peu. Ça dégueule, quoi. Je dirais que c'est un peu sombre à la manière, quoi. Leur manière. Vraiment, c'est vraiment une set que je découvre, hein, parce que comme je disais jusqu'à maintenant, c'était un peu difficile d'écouter du son à part. De naviguer, quoi. Ouais, de prendre des repères. Exactement. C'est pas encore ça. Je m'y mets tout doucement, mais vraiment, c'est vraiment passionnant. Voilà, c'était une petite dose d'Electro Chablis. Peut-être qu'il y en aura d'autres, ou peut-être c'était one shot. En tout cas, je vous invite en tout cas à jeter une oreille sur ce phénomène du Moyen-Orient. Voilà. On poursuit, on reste sur le continent africain, mais on part sur la côte ouest, au Sénégal, avec Dieuf, Dieul de Thiès, ouais. Ce niveau-là. Oui, en fait, on avait déjà passé deux précédentes références du label Terraga Beat, qui est en fait monté par un DJ grec qui tombait amoureux de la musique mandingue et du Sénégal tout particulièrement, et qui avait défriché, je vous avais passé là, que j'avais beaucoup aimé, le Royal Band of Thiès, etc. Ouais, et on reste à Thiès avec un autre groupe sénégalais assez éphémère, semble-t-il, qui avait été monté à la fin des années 70, fin des années 60 jusqu'au milieu des années 80. Qui s'appelle Diouf Dieul de Thiès, dans lequel qui était mené en fait par trois chanteurs, Hassan Camara, Bassirou Sarr et Gora Mbaye, et qui est vraiment bon, dans l'essence de ce qu'on retrouvait à l'époque. Je pense à, on peut écouter dans l'orchestre Baobab ou dans l'étoile de Dakar, avant que Youssou N'Dour l'intègre par exemple. Vraiment des choses assez typées, donc entre musique traditionnelle et afro-funk, voire afro-beat, etc. Et voire afro-jazz, donc vraiment au mélange, au carrefour, comme on aime tant ici. Et on va écouter un extrait de cet album qui est vraiment, vraiment magnifique. Vraiment, une fois de plus, Teranga Beat. Se fout pas de nous, vraiment, elle est vraiment très très belle, cette réédition. Alors voilà, on écoute un extrait de Diouf Diel de Thiès, ce morceau Ngouli. We'll be right back.

Évidemment, l'orchestre Poli, Ritmo de Cotonou, de retour dans le secret du son d'Abba. Donc après le Sénégal, on fait un petit détour par le Bénin. Exactement, avec cette troisième compilation sortie par Analog Africa en mémoire de Mélomé Clément, qui est décédé le 18 décembre 2012. Fondateur du groupe à Cotonou, dans le Bénin, au milieu des années 60. Le saxophoniste qui avait été un peu, en 2009, moteur pour reformer le groupe, c'est le cas, sous l'impulsion d'une journaliste française qui avait donné lieu aussi à la publication d'un nouvel album. Tu avais pu les voir, si je me souviens bien, aux Escales de Saint-Nazaire. Tout à fait, août 2012. Voilà, il y a un an. Ben non, il y a un an. Il y a un an, ouais. T'es sûr? Bah ouais. 2012, ça passe vite. Ouais, j'aurais dit que c'était il y a deux étés, mais. Bon. En tout cas, non, anyway. Il y a deux étés, j'étais avec toi. Non, c'était l'an dernier. Bon, très bien. Et voilà. Le temps passe. Le temps passe. En tout cas, voilà. Et oui, juste pour dire, effectivement, c'était. Autant je me rappelle pas de la date, autant je me souviens très bien du concert et. Ce qui est le plus important d'ailleurs. Ouais, hein. Tout à fait. Et c'était chaleureux, super agréable, super moment de partage avec le public. Il y avait des gros fans présents, je pense. Et ceux qui ne connaissaient pas ont goûté à leur Afrobeat de premier choix. Voilà, c'est vrai que c'est un peu plus plan-plan que par le passé, mais ça reste vraiment super savoureux. Voilà, et cet album-là qui est encore très varié, en fait, je trouve que c'est les trois compilations qu'a sorti Analog Africa, c'est celle qui est plus variée. Vraiment, je me suis dit, ouais, on a peut-être fait le tour en deux compilations, mais non. Alors, je rappelle, ils ont quand même 500 morceaux, hein, mais. Donc je pense que des compilations, on va en avoir d'autres. Hein. Voilà, parce qu'il y aura l'anniversaire de la reformation. Enfin bon, passons, je ne vous en parle pas. Mais en tout cas, vraiment, une fois de plus, c'est plutôt réussi. On a passé un morceau assez chaloupé. Là aussi, où l'influence afro-caribéenne est peut-être un peu plus présente. Voilà, un peu moins afrobeat et tout ça, ça pulse un peu moins. Mais vraiment, très nuancé après l'excellent Diop Diol de Thiès. Vraiment, l'orchestre Polyrythmo de Cotonou, ça vaut toujours son pesant d'or. On poursuit. On fait un petit tour par... Le Nigeria, si je me souviens bien. Par l'Ethiopie. On reste en Afrique. Par l'Ethiopie, ou plus exactement par l'influence éthiopique de Cher à The X, puisqu'on va s'écouter un extrait de l'album The X and Brass and Band, l'album Enormous Door. Alors c'est vrai que cet album... Mi-fille, mi-raisin. Il est moyen. J'ai même lu assez récemment que ça servait à rien d'avoir la crème de la crème du free jazz si c'était pour transformer The X en ska punk ethnique. Ah oui, parce qu'il y a Mats Gustafsson et pas Brotsman, mais Vandermark qui est sur cet album. Il y a Ken Vandermark, il y a Mats Gustafsson, il y a Roy Patchy, il y a Walter Virbos. Effectivement, Ça s'entend pas trop. Et ça s'entend pas, c'est vrai qu'ils sont plutôt dans les arrangements et les ponctuations que vraiment dans la conduite des morceaux. c'est d'autant plus regrettable que c'est pas à la hauteur, en tout cas moi, du concert que j'ai pu voir au mois de mai à Châteaulin au Renard Pince avec à l'occasion du festival sonore dont ils assuraient la tête d'affiche. C'est vrai que c'était un très très beau concert, très enlevé, très enthousiasmant, avec un public finistérien à bloc, voilà, comme on le connaît, de sa réputation, et c'était du pur plaisir, bien meilleur sans doute que certaines prestations, puisque j'ai cru comprendre que c'est pas toujours aussi bon quand ils sont sur scène tous ensemble, que parfois c'est peut-être un petit peu routinier. Là vraiment tout le monde se donnait, et avec une vraie énergie, un vrai plaisir d'être là et de jouer pour un public qui... En sachant que c'était pas du tout finalement la même section cuivre, hein. Les alors, stars ont dégagé. Ouais, Charles. Ouais. C'est des pointures quand même. Deux des musiciens du Brass and Band qui sont sur le disque étaient présents, c'est donc Ken Vandermark et Walter Virbos. Et il y avait Ab Barz en plus. Xavier Charles en fait n'était pas là. Ah, était pas là. Peu importe, hein, c'est. Vous voyez bien, il y a ce côté, c'est eux qui ont mis le plus de temps à être dedans, hein, parce que c'est pas leur univers. Mais il y avait un côté un petit peu décalé qui était amusant, et puis ils ont fini par jouer le jeu. Par envoyer le steak quand même. Et envoyer le steak comme on les attendait. En tout cas, c'est plus ce très beau souvenir de concert du printemps que cet album un peu en demi-teinte qui me donne envie de les écouter. Là, on va s'écouter donc un extrait du folklore, donc une reprise d'un morceau du folklore éthiopien chanté par Catherine, la batteuse du groupe. C'est Bellomi Ibena, gros tube, gros effet évidemment sur le public. Excellent souvenir des DX and Brass Unbound dans Le Secret du Son là-bas. Alma, ya sherelena, ya rotera hema, y tu enteran de va, y que que está hema, tan chenetuna chen, tenugera van seman, y de lin, de la, me chabelo, y de la. kali. En Afrique. Et on vient de faire un petit tour du côté du Kenya. On est resté donc en Afrique de l'Est, si l'on veut, avec cette compile qui nous fait vraiment découvrir presque clairement la scène kenyane. La scène kenyane. Puisque c'est vrai qu'on n'en savait rien, on ignorait. En ce qui me concerne complètement, la contribution au groove africain, carrément planétaire, planétaire de ces contrées. Et donc c'est la compile dont on avait déjà parlé. Hein. On l'attendait avec impatience et on avait bien raison parce qu'elle est plutôt réussie. C'est hein. Voilà, c'est du triple A cette affaire là. C'est Kenya Special Selected African Recordings. From the 70s and the 80s, donc l'année 70, années 80, pour un ensemble musical vraiment où il n'y a absolument rien acheté. On est à la croisée des chemins et des influences, comme l'explique la note de présentation du label Soundway qui publie cette compile. Effectivement, l'afrobeat, le groove funky du Nigeria. A apporté ses influences, mais aussi la rumba congolaise, le son benga, plutôt manifestement le côté un peu plus afro-pop, comme ils appellent ça, et puis aussi les influences de Tanzanie, les influences du Zimbabwe peut-être bien, ou de la Zambie, apparemment du côté de la Zambie, on a un style de guitare disco bien... Voilà, moi je suis passé à bien côté fumeux. Aussi, voilà, mais peut-être qu'on s'y intéresse. Voilà, en tout cas, ça donne une compile assez variée, vraiment, il faut absolument se la choper. Triple vinyle plus un petit 7-inch ouais. en complément, c'est du bel objet, du bel ouvrage. Comme d'hab, très beau travail de compilation, d'agrégation de tout ce qui s'est fait de bon, ou du moins d'une partie de ce qui s'est fait de bon au Kenya sur la période. On quitte l'Afrique. On repart. C'est l'heure des putasseries anglo-saxonnes, mon cher Igor. Une petite putasserie. Slug Abed, c'est un peu particulier. Alors, c'est un peu son tournant, ce EP là. Jusqu'à maintenant, il avait sorti deux premiers EP. Puis il a, avant de finir, pour sortir un premier album en 2012 sur Ninja Tune, qui était plutôt pas mal. Hein, toujours trouvé sous influence tobinesque. Et là, je trouve que là, il sort un EP digital sur son propre label qui s'appelle Activa Benz, qui s'appelle This Is Warning. Trois morceaux qui revisitent son univers mais qui donnent d'autres pistes. On a vraiment l'impression qu'il a écouté, comme moi par exemple, pas mal de bass music ces derniers mois, ces dernières années, et il a envie un peu de s'y plonger, mais tout en aussi écoutant ses contemporains. On pense aussi à Hudson Mohawk, qui est dans sa version Tonight. On pense un peu à Rusty, donc les collègues d'écurie, on va dire, ou presque. Et on va écouter un premier extrait de vraiment le tube de cette EP, Expedition Warning, vraiment l'un de mes tubes de l'été 2013. Voilà, l'électro comme moi je l'aime, qui c'est pas trop où elle va, c'est vraiment très anglais ça, tout ça, et voilà, vraiment je trouve que dans un genre qui va être peut-être un petit peu rabâché sur ses précédents disques, je trouve que là il avance vraiment ce Gabed avec grand pas, qu'il arrive à vraiment synthétiser un peu tout ce qu'il écoute et un peu tout ce qui se fait, tout en touchant sa propre patte. On écoute Slug Abed dans Le Secret du Son là-bas. We'll be right back. J'aurais voulu être un chimiste, le tube de Rest in Peace Boris, voilà, le tube du EP Sans Dessus Dessous d'il y a une grosse dizaine d'années sur les enregistrements du Cavage. Excellent. Voilà, on espère ça a pas que bougé, hein. Ça a pas bougé, on espère ouais. que là où il est l'ami Boris qui nous a quitté début juillet, j'espère qu'il s'est fabriqué, qu'il s'est arrangé son labo comme il l'entend. Mi-Cost, mi-Walter White, c'était Boris Domalin, alias Sous la Terre, Gorky Pulbacter, pour l'occasion, et ses enregistrements du Cavage, voilà, c'est un petit hommage qu'on voulait lui rendre à cette occasion-là, ouais. Je sais plus si je t'avais dit, mon cher Igoula, mais c'était un fan aussi du secret, qu'il aimait bien nos petits mix, les Global Warming, il me tannait toujours pour avoir les détails des playlists, parce que ça le... Cool. Ah bah c'est, je suis très touché, vraiment, parce que c'est vraiment ça le faisait groover. C'est toi qui m'avais fait découvrir Boris sur la Terre à l'époque, etc. Et je trouve que c'est vraiment un artiste, à l'instar de ton doute, qui, dans la scène hardcore, électro-hardcore française, ont su développer des univers oui, vraiment personnel, ouais. bien personnels et qui aujourd'hui sont encore complètement... oublié ou on ne veut pas en s'intéresser. Je pense que c'est vraiment des artistes qui sont vraiment marquants. En tout cas, que ouais. je pense qu'on se retournera bientôt et puis on dira mais ouais, mais quand même, putain, c'est ça défrise la gueule. Quoi. Ça défrise et ça défrisera ouais. encore. Et on le remercie. On est bien content en ce qui me concerne d'avoir, d'avoir fait un bout de chemin voilà, avec lui. Ouais, voilà, un petit bout de chemin avec lui. Puis c'est lui qui m'a mis aussi le pied à l'étrier au niveau du label. Donc voilà. Bye bye, Bobo. Ciao, ciao. Alors on termine avec un joli petit morceau, Stara Reka, allez on va dire ça comme ça. Stara Reka, ouais, parce que voilà, c'est un polonais, c'est un projet... C'est ovniesque aussi ça. Ouais, hein. C'est un peu ovniesque, c'est une petite, une jolie découverte là que j'ai eue grâce à la newsletter là, du label, du festival label aussi, du polonais là, qui avait fait une très belle affiche l'an dernier. Dans la capitale polonaise, comment ça s'appelle ? Varsovie, mon ami. Ah, mais c'était ouais. pas Varsovie alors, merde. C'est une alors, autre ville. tu me demandes la capitale. Ouais, tu vois, merci les gars, peut... merci les gars. Ah, t'as vu, hein. Bon, passons. Voilà, projet solo d'un obscur que je connais vraiment, je connaissais pas du tout. Il s'appelle Kuba Ziolek, et son projet il s'appelle Stara Reka, et il a sorti fin 2012 un split LP avec un autre. Polonais qui s'appelle Tienley et vraiment un univers vraiment passionnant qui est vraiment à la confluence de l'ambiance folk, du black, du drone. Donc je trouve qu'il défriche. Vraiment il y a quelque chose de vraiment très intéressant dans sa musique. Il a sorti donc un split LP, un premier album, c'était enfin des premiers enregistrements en digital, c'était début avril, non début mars 2013. Et il a sorti un premier album CD en avril 2013 sur des obscurs labels polonais, tout ça. Dans, voilà, je peux pas vous en dire plus. En tout cas, vraiment, c'est vraiment entre le post-rock, le black metal. Voilà, vraiment, on va découvrir un extrait de split qui s'appelle Throne. Tiré d'un label qui s'appelle Milieu L'Encéphale Présente. Alors je sais pas si c'est un label français, si c'est un label polonais qui aime le français, bref, qu'importe. On creusera l'affaire. Voilà, vraiment, c'est vraiment étonnant. Je vous invite vraiment à creuser, à découvrir. Il y a un bandcamp où il y a les trois albums en ligne. Et vraiment, c'est vraiment super. On écoute Stara Reka. Et comment s'appelle le titre qu'on va écouter? David intervient toujours pour les plans savonnettes. Vraiment, t'auras jamais ton tiponche. Vraiment. Merde. Et même malgré la chaleur, malgré l'émission caliente qu'on vient de faire, va te faire foutre. Oh, on écoute une mauvaise note, Stara Reka. Et moi je vous dis bye bye, je vous dis à en septembre maintenant. Ouais. À bientôt Grigoula, ciao ciao. À bientôt Grigoula.